Dans son chagrin, Jeanne idolâtra de plus en plus son fils. Mais Paul ne cessait de grandir et de s'éloigner d'elle. À 20 ans, il s'enfuit avec une prostituée, donnant de loin en loin de ses nouvelles à sa mère et au baron revenu au château des peuples pour qu'ils épongent ses dettes et en promettant toujours de revenir les voir.